ciel de sel sur mon bien, lourd à porter, blessé, même réfugié dans la haine, le sourire d'un clown ne pouvant rien y changer, chargeant la feuille de cette encre que l'on freine à coup de pudeur qu'un canif ne saurait entailler, chantant à qui veut l'entendre qu'on perd la laine, c'est Papa Nurge qui me contredirait. C'est Papa Nurge, je crois, qui me contredirait. Hurlant que l'amour n'est pas mort, il a encore le temps de foutre un peu de feu d'entendre, printemps. En comptant les bougies, je souffle sur mes textes. Mes utopies, toutes, je les déteste, elles ont cramé mon âme. Fracassé ma vie pour survivre, j'ai dû les glisser si souvent sous le tapis. Et si j'écris des cris pour relâcher la pression, c'est pas pour faire le fier, ni m'inviter dans ton salon. C'est pas pour faire le fier, ni m'inviter dans ton salon. C'est juste que la haine est bien trop lourde à porter. Tout mon amour, mon bien-être, je peux les saborder. Mais ce serait inutile, confus d'orgueil et peu futé. Voilà pourquoi à la fin du texte, j'ai préféré la brûler. Voilà pourquoi à la fin du texte, j'ai préféré la brûler. Voilà pourquoi je n'aborderai les questions difficiles sur les disparus du soleil ou les potes imbéciles, sur la question du respect qui se doit sans répit, ou sur les sentiments puissants qui me font brûler ce récit. Quand on se met à ignorer le souffle du salut, éteindre les braises sous les pensées complètement exclues. Et quand on se met à ignorer le souffle du salut, éteindre les braises sous les pensées complètement exclues. Par des petites blessures au ciel de sel sur mon bien trop lourd à porter, blessé et même réfugié dans la haine, le sourire d'un clown ne pouvant rien y changer. Le sourire d'un clown ne pouvant rien y changer.